Ok. TK 1-3. Mes rêves frissonnent. Et yo, je pose une vie paresseuse. Micmac, coup de crosse, qui est le boss? Amène ton équipe, tout ce qui te supporte. On brille, car la vie aussi a deux portes. Rappeur insolent, sois pas si méfiant. Les vrais respectent, tout le monde a de l'argent. On parle de s'en sortir, mais le veut-on vraiment? Ils parlent de mourir, mais le veulent-ils vraiment? Sorti du bloc, as-tu déménagé? Ça y est, c'est fini, la loi du plus âgé. J'ai porté tes peurs jusqu'à réussir. Je suis devenu ta peur pour pas en mourir. Sorti du bloc, as-tu déménagé? Ça y est, c'est fini, la loi du plus âgé. La pression ennemie réelle, t'es ciblé. Quand l'ennemi t'a snipé, quoi sert le gilet? Nos vies sont dans nos mains, on a tous le choix. Fuck la guerre, on a tous des droits. Ça tire, tire. Près de chez moi, combien se sentent sauvés par un whisky coca? Ouais, ouais, nos vies sont dans nos mains, on a tous le choix. Fuck la guerre, on a tous des droits. Ça tire, tire, près de chez moi. Combien se sentent sauvés par un whisky coca? TK1-3. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. Ouais, ouais, mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. J'ai froid, mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. La mort est un fardeau qui le porte solo. Qui le porte solo. J'ai une part ennemie en moi. Ennemie en moi. Dis-moi quand ai-je donc le choix? Ai-je donc le choix? T'as les clés et le moteur, je suis parano. Ajoute une arme à feu dans mes mains, c'est le zoo. Sur n'importe quoi, je pars en impro. On a tous les crocs quand ça parle de couteau. Je suis dans le ghetto, tradition oblige. J'insulte ces chiens, mais qui est le fautif? Ouais, ouais, par ennemi en moi. Ennemi en moi, ennemi en moi. Nos vies sont dans nos mains, on a tous le choix. Fuck la guerre, on a tous des droits. Ça tire, tire. Près de chez moi, combien se sentent sauvés par un whisky coca, coca. Nos vies sont dans nos mains, on a tous le choix. Le choix, la guerre, on a tous des droits. Ouais, ouais, tire, tire. Près de chez moi, combien se sentent sauvés par un whisky coca, coca. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds. Mes rêves frissonnent tellement mes cauchemars sont chauds.